بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous allons prendre donc maintenant les derniers hadiths du chapitre inshallah ta'ala. Nous avions dit qu'il y a 18 hadiths dans le chapitre et maintenant donc le hadith numéro 16. وحدثني عن مالك عن عطاء ابن أبي مسلم عبد الله الخراساني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. Il m'a rapporté selon Malik, selon Atta ibn Abdillah, selon Atta ibn Muslim Abdillah al-Khurasani. Et donc Atta qui nous rapporte une parole donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Atta, il ne fait pas partie des compagnons. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: serrez-vous les mains, tasafahu, serrez-vous les mains, et la rancœur partira. Faites-vous mutuellement, donnez-vous mutuellement des cadeaux, et vous allez vous aimer. Donnez-vous mutuellement des cadeaux, vous allez alors vous aimer, et la haine s'en ira. قال ابن حجر في فتح الباري في مرسل عطاء الخراساني في الموطأ تصافح يذهب الغل لم نقف عليه موصولا. Atta, il dit dans Fath al-Bari, concernant le Mursal de Atta, Mursal, c'est-à-dire donc un tabi'i, qui nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le tabi'i n'a pas rencontré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas un compagnon. Mais, et donc il manque une personne dans la chaîne de transmission. Il nous dit, Ibn Hajar, concernant ce hadith qui est dans le Muwatta, tasafahu yadhhab al-ghil, serrez-vous la main, alors la rancœur s'en ira. Il dit, je n'ai pas trouvé de chaîne de transmission qui soit mausoul, de chaîne de transmission qui soit liée du début jusqu'à la fin, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amma al-musafaha, فَالْأَدِلَّةُ كَثِيرًا عَلَى جَوَازِهَا. Mais cependant, concernant le fait de se serrer la main, alors il y a beaucoup de preuves qui montrent que cela est légiféré. مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قال قتادة وكان الحسن يصافح. Et donc, parmi les preuves, il y a donc le hadith rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, ainsi qu'Ibn Hibban, aussi dans son livre intitulé Sahih, selon Qatada qui dit: j'ai demandé à Anas ibn Malik, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je lui ai demandé, est-ce que le fait de se serrer la main était présent à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Anas a répondu en disant na'am, oui. Et Qatada a dit, et certes, al-Hasan, il serrait la main. Wa fi jami' al-Tirmidhi 'an al-Bara anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaal: ma min muslimayn yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa, sahahahu al-Albani bi majmu'i turukihi. Et donc, aussi rapporté dans le Jami' al-Tirmidhi, selon Al-Bara, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas deux musulmans qui se rencontrent et qui se serrent la main sans qu'il soit pardonné pour les deux avant qu'ils ne se délaissent, avant qu'ils ne se séparent. Et donc, c'est une cause donc de pardon. Le hadith a été authentifié par Al-Albani, par la cause de toutes ces chaînes de transmission, en réunissant toutes ces chaînes de transmission. Qol al-'allamatu Ibn Baz, le savantissime, le très savant Ibn Baz rahimahullah, il dit al-musafaha min an-nisa il-nisa la ba'sa biha wa min ar-rajul lir-rajul la ba'sa biha. Il dit le fait de se serrer la main d'une femme à une autre, il n'y a pas de mal en cela. Et d'un homme à un autre, il n'y a pas de mal en cela. الرجل يصافح الرجل والمرأة تصافح المرأة. L'homme serre la main à l'homme et la femme serre la main à la femme. هذا من كمال المودة وكمال السلام. Cela donc complète, cela fait partie de l'aspect complet de l'amour et du salam. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصافحه أصحابه ويصافحهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, ils lui serraient la main et lui, il leur serrait la main. Wa kana as-sahaba idha talaqaw tasafahu, et les compagnons lorsqu'ils se rencontraient, ils se serraient la main. Wa lamma jaa Ka'b ibn Malik ala at-tawbah ila al-masjid qama ilayhi Talha ibn Ubaydillah wa safahahu wa hanna'ahu bit-tawbah. Et lorsque Ka'b et lorsque Ka'b ibn Malik il est venu à la mosquée lors du repentir, alors donc Talha ibn Ubaydillah il est venu lui a serré la main et il l'a félicité concernant le repentir. C'était quel repentir ça? C'était lié à quoi? Ka'b ibn Malik. Non. Donc il n'est pas allé donc à la bataille de. C'était quelle bataille? Ayyuh Ahsan. La bataille de Tabouk. Il n'est pas allé donc participer à la bataille de Tabouk. Et donc, ils l'ont boycotté. Ils l'ont boycotté, radiallahu anhu, jusqu'à ce que Allah tabaraka wa ta'ala fasse donc descendre et informe son repentir. Informe donc le fait qu'il ait pardonné à Ka'b et ses deux compagnons. À ce moment-là, donc, Talha il s'est levé vers lui, Talha ibn Ubaydullah, il s'est levé, il lui a serré la main, il a félicité par rapport au repentir. Le Cheikh Ibn Baz, il continue en disant « Lakin al-mar'a la tusafihu al-rajul illa idha kana mahraman laha. » Cependant, la femme, elle ne serre pas la main à l'homme, sauf si c'est un mahram, sauf si c'est un de ses maharim, « Ke akhiha wa ammiha wa abiha wa zawjiha » comme son frère, son oncle, son père et son époux, « Tusafihuhu la haraj » Elle lui serre la main, il n'y a pas de mal à cela. Amma an tusafih. Amma an tusafih al-ajnabi. Ka zawji ukhtiha aw akhi zawjiha aw ammi zawjiha, hadha la yajuz. Il nous dit par contre le fait que cette femme va serrer la main à l'homme étranger tel que l'époux de sa sœur ou le frère de son époux ou alors l'oncle de son époux, cela n'est pas permis. لأنهم ليسوا محارم, car ils ne sont pas محارم, c'est-à-dire qu'ils ne lui sont pas interdits au mariage. Si elle divorce de son mari, ces hommes-là ne lui sont pas interdits au mariage. لكن أبو زوجها محرم جده محرم وولده محرم. Cependant le père de le père de son époux est un mahram. Son grand-père est un mahram. Son enfant est un mahram. La ba'sa an tusafihahu. Il n'y a pas de mal à ce qu'elle lui serre la main. Fal musafaha ja'iza bayna an-nisa fi ma baynahun. Wa ma'a maharimihin. Et donc, le fait de se serrer la main est permis pour les femmes entre elles. Et aussi avec les maharim, les hommes avec qui il est interdit qu'elles se marient. وَجَائِزَةٌ بَيْنَ الرِّجَلِ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَمَعَ مَحَارِمِهِمْ. Et aussi, donc, le fait de se serrer la main, c'est permis entre les hommes, mais aussi avec les femmes avec qui il aurait interdit de se marier. Alors là, cela est permis. Le cheikh, il continue en disant, بَلْ سُنَّةٌ فِي حَقِّ الْجَمِيعِ. Il dit, mais c'est une sunna, c'est recommandé concernant tout le monde. لِأَنَّهَا تَجْلِبُ الْمَوَدَّةِ وَتُسَبِّبُ مَزِيدًا مِنْ صَفَاءِ الْقَلْبِ. Car le fait de se serrer la main va augmenter l'amour et va va entraîner l'amour et va augmenter la pureté des cœurs. Ça enlève ce que tu ressens dans ton cœur contre ton frère. أما أن تصافح المرأة رجلا أجنبيا كزوج أختها أو أخي زوجها أو ابن عمها هذا لا يجوز. Le cheikh il reprend, il continue encore et il dit: tandis que le fait que la femme va serrer la main à un homme étranger, tel que le mari de sa sœur, ou alors le frère de son époux, ou alors le fils de son oncle, cela n'est pas permis. Pourquoi? لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَى. Cela par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit: certes, je ne serre pas la main aux femmes. وَلِقَوْلِ عَائِشَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. Et aussi la parole de Aïcha رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا lorsqu'elle a dit: وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ وَمَا كَانَ يُبَايِعُهُنَّ إِلَّا بِالْكَلَامِ. Aïcha radiallahu anha, elle a dit: par Allah, les mains du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'ont touché aucune femme, et il ne faisait le pacte d'allégeance avec elle que par la parole. يعني وقت البيع, c'est-à-dire pendant donc le moment du où les gens donc portaient allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. لأن المصافحة خطر من جهة تحريك الشهوة. Car le fait de se serrer la main, cela est dangereux du fait que cela va attiser les désirs. كالنظر فهذا لا يجوز. De la même façon que le regard, cela n'est pas permis. Et donc, on a ici la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce sujet. Le fait que c'est bien que nous devons nous serrer la main entre frères. Le fait que nous ne devons pas serrer la main aux femmes étrangères. Même si aujourd'hui certains veulent nous forcer à serrer la main aux femmes. Tu serres la main, point, c'est tout. Non. Je fais ce que je veux avec ma main. On ne va pas me forcer à serrer la main de quiconque. Et si on veut me forcer à serrer la main à une femme étrangère, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. Alors fuyez vers Allah, préservez votre religion. Partez, allez dans un pays musulman. Allez dans vos... Si vous ne pouvez pas rester ici sans serrer la main d'une femme, alors partez. Combien de fois des frères qui viennent me poser la question: ya akhi, je vais aller demain, j'ai rendez-vous, administration, est-ce que si c'est une femme, je peux lui serrer la main? Yahri, le prophète il a dit: Inila usafi khunisa. Je ne vais pas te dire halal. Je ne vais pas te le dire. Ouais, mais si c'est difficile, firru ilallah. Pars. Fais la hijra. C'est mieux pour toi. C'est mieux. Et donc il est important de comprendre cela. Il est important, les frères, qu'on se préserve. Et souvent certains disent: ah, mais c'est eux, ils interdisent ça. Parce que ce sont des pervers, parce que ils disent que si on serre la main d'une femme, ça va entraîner des pensées ou autres. Les compagnons, ceux qui ont donné leur vie pour propager cette religion, ils avaient peur concernant la fitna des femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: « Mais taraktu ba'di fitnatan ala rijali » Je n'ai pas laissé après moi une fitna, une tentation aux hommes qui soit plus lourde, plus forte que celle des femmes. Et nous aujourd'hui on vient: non, walou, ça ne me fait rien du tout, walou. Non. Et donc les frères, il faut faire attention. Et donc les frères, nous devons tout faire pour nous préserver. Ne te sens pas fort, éloigne-toi de la fitna. Ne fais pas le fort. خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son livre: l'être humain a été créé faible. Ne fais pas le fort. Éloigne-toi de la fitna. أَمَّا مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنَ الْمُصَافَحَ بَعْدَ الصَّلَاتِ. Tandis que ce que certaines personnes font quand ils se serrent la main après la salat. Dès qu'ils finissent la salat, il serre la main de celui qui est à sa droite, il serre la main de celui qui est à sa gauche. Les savants, ils ont interdit cela. Wa minhum al-imam ibn Baz. Parmi eux, l'imam ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Fal musafaha idha dakhalta fil masjid aw qabla as-salat umuman. Et donc la musafaha, le fait de se serrer la main, c'est lorsque tu rentres dans la mosquée ou avant la salat de façon générale. Tu rentres dans la mosquée, tu passes le salam à tes frères. Fa in lam tatamakkan min as-salami ala akhik qabla as-salat sallamta alayhi ba'da as-salat. Si tu n'as pas pu passer le salam à ton frère avant la prière, alors il n'y a pas de mal, tu lui passes le salam après la prière. Wa safahtahu, et tu lui serres la main. Lakin ba'da al-adhkar. Cependant, c'est après l'adhkar. Après qu'on ait fini de faire les invocations après la salat. Ba'da as-salat waqtun lil-adhkar wa lam najid dalilan ala anna as-salaf كانوا يفضلون المصافحة على الأذكار عقب الصلاة. Il n'y a pas de preuve, nous n'avons pas trouvé de preuve des pieux prédécesseurs qui montrent que ceux-ci, ils préféraient le fait de serrer la main aux autres après la salat au lieu de faire les adhkar, au lieu de faire les invocations. On n'en a pas trouvé. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous, on va faire ce que eux n'ont pas fait? وكما يقول mais attaquons bid'a illa taraku sunnah. Et comme on dit, il n'y a aucune communauté qui vienne avec une innovation sans qu'il délaisse une sunnah. Aucune communauté ne vient avec une innovation, barakallahu fik. Aucune communauté ne vient avec une innovation sans qu'il ne délaisse une sunnah. Unzuru ja'u bi hadhihi al-mas'ala allati laysa 'alayha dalil. Ils sont venus avec ce sujet sur lequel il n'y a pas de preuve. Tu dois passer le salam après la salat. Il n'y a pas de preuve. Et ils ont délaissé quoi? Le fait qu'après la salat, quand tu finis ta salat, c'est le moment de faire tes adhkar. Après la salat, c'est le moment de faire ses invocations. Tu veux passer le salam à ton frère? Finis tes invocations et après, inshallah ta'ala, tu passes le salam. Et donc, à chaque fois que les gens ils viennent avec des innovations ou des sujets sur lesquels il n'y a pas de preuve, ils vont délaisser une sunna. Ils vont délaisser une sunna, comme cela, et ça se répète. Amma juz al-thani min al-hadith alladhi akhrajahu al-imam Malik tahadu tahabu yadhhab al-ghil. En ce qui concerne la deuxième partie du hadith qu'a cité l'imam Malik, faites-vous des cadeaux mutuellement et vous allez vous aimer. Vous allez vous aimer et la haine va partir. Tadhabi shahna, la haine va partir. Avant cela, je voudrais parler de la rancœur. La rancœur. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans son livre, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَكُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Et ceux qui sont venus après eux, c'est-à-dire après les compagnons, ils dirent, ô Allah, ô notre Seigneur, pardonne-nous et pardonne à ceux qui nous ont précédés dans la foi. On invoque pour nos propres personnes et pour ceux qui nous ont précédés dans la foi. Wala tajal fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Et ne place aucune rancœur dans nos cœurs concernant ceux qui ont eu la foi. Concernant ceux qui ont eu la foi. Achi, tu n'as pas le droit d'avoir de la rancœur envers ton frère croyant. Tu n'as pas le droit d'avoir de la rancœur envers lui. Cela est contraire à la fraternité. Nous devons tout faire pour enlever ces sentiments, ces maladies que nous ressentons en nous. Nous devons nous corriger. Et donc on revient à la deuxième partie donc, du hadith. Concernant cette deuxième partie, le fait de se donner des cadeaux mutuellement, فَإِنَّهُ جَاءَ عِنْدَ الْبُخَارِي فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَهَادَوْا تَحَابُوا. Et donc il a été rapporté dans le recueil, dans le Adab al-Mufrad d'al-Bukhari selon Abi Huraira, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: faites-vous des cadeaux et vous allez vous aimer. فَشَرْعُنَا يَحُثُّنَا عَلَى الْمَوَدَّةِ فِي مَا بَيْنَنَا. Et donc notre législation nous incite à l'amour entre nous. وَالْمَحَبَّ لَهَا أَسْبَابٌ مِنْهَا الْهَدِيَّةِ. Et l'amour est lié à des causes. Parmi ces causes, il y a le fait de se donner des cadeaux. L'amour est lié à des causes. Le fait qu'on se donne mutuellement des cadeaux. وَلِنَتَأَمَّلْ فِي هَذَا هَلْ حَصَلَ مِنَّا هَلْ حَصَلَ مِنِّي أَنِّي أَعْطَيْتُ لِأَحَدِ الْإِخْوَى أُحِبُّهُ هَدِيَّةً لِتَزْدَادَ هَذِهِ الْمَحَبَّةِ. Méditons sur cela. Est-ce que j'ai déjà donné à un frère que j'aime bien un cadeau afin que l'amour augmente entre nous? Plus loin que ça encore. Ta femme. Ta femme qui vit avec toi tous les jours, qui patiente sur tous tes défauts. Est-ce que c'est déjà arrivé que tu donnes des cadeaux? Ou alors on attend l'Aïd, ou alors, comme les certains font les innovations, ils vont rentrer dans Saint-Valentin ou autre. On n'a pas besoin de jours spécifiques, nous, pour donner des cadeaux. Alhamdulillah, al-bab ou meftouh. Tu peux donner des cadeaux quand tu veux. Quand tu veux. Et après, on s'étonne que l'amour diminue dans le couple. Fais les causes. L'amour est lié à des causes. Parmi celles-ci, le bon comportement, la douceur, les cadeaux, etc. Nous devons faire les causes pour maintenir cet amour entre nos frères et dans nos familles. Nous devons nous corriger. Je sais que ce n'est pas facile. Il faut aller au travail, il faut apprendre, il faut aussi, il faut donner du temps à la mère, au père, à si. Ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Il faut le faire. Cela est très très important. Parce qu'après, lorsqu'il n'y a plus d'amour, ça devient difficile. Et rappelez-vous que le cœur, soumis à kolban li annahu yata kolleb. Ils disent les savants, le cœur a été appelé cœur, kolb, li annahu yata kolleb. Il change, il varie. Un jour c'est tout en haut, le lendemain c'est tout en bas, etc. Ça change, ça varie. Et donc, mais il y a des causes qui vont entraîner que cet amour va augmenter. Nous devons donc tout faire pour cela, pour entraîner l'augmentation de l'amour entre nous. فَأَكْثِرُوا مِنَ الْأَسْبَابِ الَّتِي بِهَا تَزْدَادُ الْمَحَبَّةُ بَيْنَنَا. Et donc, augmentez les causes qui vont entraîner l'augmentation de l'amour entre nous. لِأَنَّ التَّفَرُّقُ يُؤَدِّي إِلَى الضَّعْفِ وَالْفَشَلِ. Car la division va entraîner la faiblesse et le fait d'échouer. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit wa atiru Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin. Obéissez à Allah et à son messager et ne vous disputez pas, sans quoi vous allez fléchir, vous allez échouer et vous allez perdre vos forces. Et patientez, endurez, certes Allah est avec les endurants. Le hadith numéro 17. Wa hadathani an Malik an Suhayl ibn Abi Talha an Abi Hurayra radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala tuftahu abwabul jannah yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis fayughfaru likulli 'abdin muslimin la yushriku billahi shay'an illa rajulan kanat baynahu wa bayna akhihi shahna fayuqal anziru hadaini hatta yastaliha anziru hadaini hatta yastaliha. Il m'a rapporté selon Malik, selon Suhayl ibn Abi Talha, selon Suhayl ibn Abi Salih, an abihi, selon son père, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les portes du paradis s'ouvrent tous les lundis et jeudis. Et alors il est pardonné à tout serviteur musulman qui n'accorde aucun associé à Allah, sauf un homme qui a entre lui et son frère une rancœur. Alors il est dit, laissez ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Laissez ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. هذا الحديث إسناد هذا الحديث صحيح وذكره مسلم في صحيحه. Et donc ce hadith, cette chaîne de transmission, elle est authentique et Muslim l'a cité dans son recueil en passant aussi par l'imam Malik rahimahullah. وهذا الحديث فيه أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بإزالة الشحناء والعداوة والبغضاء. Il y a dans ce hadith le fait qu'il est important que chaque individu fasse tous les efforts, qu'il accomplisse tous les efforts pour enlever la rancœur, la haine et l'animosité. بعضُ الناس يصعبُ عليهم أن يذهبوا إلى خصمهم ويقولوا له ويقول له يجب علينا أن نصطلح فإن كان الأمر كذلك فليرسل شخصا آخر يكون واسطة بينهم. Certaines personnes, il leur est difficile d'aller voir la personne avec qui il est en conflit. C'est difficile. Alors si tel est le cas, envoie une autre personne qui va être intermédiaire entre vous deux pour lui dire, on ne peut pas rester comme cela, c'est pas possible. Tous les lundis et jeudis, il est pardonné à tout musulman qui n'accorde aucun associé à Allah, sauf ces deux-là qui sont en conflit. Et on reste comme ça, chaque semaine, on laisse les semaines passer comme cela. Non, les frères, il faut qu'on fasse des causes. وهذا الحديث كذلك ينبغي أن نتأمله. Il est important qu'on médite sur ce genre de hadith, les frères. هذا الوعيد الشديد. Cette punition lourde, cette menace lourde, il est pardonné pour tout le monde, sauf ces deux-là. بعض الناس تخبره بهذا الحديث ومع ذلك لا يرجع. Certaines personnes, tu leur informes de ce hadith-là, et malgré ça, ils ne reviennent pas. Ils ne reviennent pas. Il met son nefs, sa propre personne, au-dessus de ça. Ce genre de personnes, on a peur leur concernant. Wallah, on a peur, les frères. On a peur. Cela peut être une cause que la personne, elle s'égare par la suite. Il faut faire très attention. ثم قال بعض العلماء إن هذا الحديث على ظاهره. Certains savants, ils ont dit que ce hadith, on le comprend tel quel. Il est apparent. C'est-à-dire que effectivement, les portes du paradis s'ouvrent tous les lundis et jeudis. وقال بعض العلماء لا. Certains savants, ils ont dit non. المراد أن الله تبارك وتعالى يفتح على عباده من رحمته ومغفرته. Certains savants disent, ce qui est voulu par là, c'est que Allah, durant ces deux jours, il va ouvrir, il va donc permettre à ses serviteurs de bénéficier de sa miséricorde et de son pardon, encore plus que les autres jours. Certains savants disent que c'est ce qui est voulu par là. Wal aslu تقديم الظاهر على التأويل إلا بدليل شرعي. Cependant, la base, c'est qu'on prévaut le fait de prendre le hadith tel quel, sans interprétation, tant qu'il n'y a pas une preuve qui montre qu'en fait, on doit interpréter. Et donc, ce qui est voulu par ce hadith, c'est que les portes du paradis, elles s'ouvrent réellement tous les lundis et jeudis. Elle s'ouvre réellement tous les lundis et jeudis. Particulièrement que c'est un sujet qui est lié au domaine de l'invisible. Comment est-ce que tu fais pour savoir que les portes du paradis elles ne s'ouvrent pas? Comment tu fais pour savoir? Tu ne peux pas savoir. Et donc tu appliques, tu cites donc ce qui a été cité dans les textes. Tu appliques ce qui a été cité dans les textes et tu t'arrêtes là. Quand tu ne peux pas savoir, dans tous les cas. Et aussi, il y a dans ce hadith le fait que le paradis et l'enfer sont créés actuellement. Contrairement à ce que disent certains innovateurs qui disent que le paradis et l'enfer n'existent pas actuellement. Que le paradis et l'enfer n'existent pas actuellement. Et le dernier hadith, وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكِ عَنْ مُسْلِمِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ أَنَّهُ قَالْ تعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا كان بينه وبين أخيه شحناء فيقال اترك هذين حتى يفيئا أو اركوا هذين حتى يفيئا. Et donc il m'a rapporté selon Malik, selon Muslim ibn Abi Maryam, selon Abi Salih Samman, selon Abi Huraira radiallahu anhu, qui dit que donc Abu Huraira, il dit, les œuvres des gens sont présentées, sont élevées tout Jumu'ah. Qu'est-ce qu'il voulait par là, tout Jumu'ah? Tout vendredi? Chaque semaine. Parfois, vous allez voir dans des hadiths, ils vont dire chaque semaine comme cela, chaque Jumu'ah. Ou ils vont dire Sebtan. Mera'ina shams a Sebtan. On n'a pas vu le soleil pendant une semaine. Sebt, le samedi, ce qui est voulu par là, c'est une semaine entière. Et donc les œuvres, elles sont présentées chaque semaine deux fois. Le lundi et le vendredi. Le lundi et le jeudi. Alors il est pardonné à tout serviteur croyant, sauf un serviteur qu'il y a entre lui et son frère une rancœur. Alors il a dit, délaissez ces deux-là jusqu'à ce qu'ils reviennent. Délaissez ces deux-là jusqu'à ce qu'ils reviennent. Donc ils délaissent ce sur quoi ils sont. Et donc cette parole, c'est une parole d'Abu Hurairah radiallahu anhu. Mais il faut savoir que c'est un sujet de... C'est lié donc à Eshara, à la législation. Au fait que Abu Hurairah radhiyallahu anhu, il ne peut prendre cela que du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que les œuvres sont présentées à Allah azza wa jall tous les lundis et tous les jeudis, cette information il ne peut pas la voir. C'est lié à l'invisible, c'est lié à la croyance. Et donc il ne peut prendre cela que du prophète sallallahu alayhi wa sallam, particulièrement que cela a été rapporté aussi comme il dit. Donc Ibn Abd al-Barr, cela a été aussi rapporté avec des chaînes de transmission qui montent jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'a cité Muslim dans son sahih, rahimahullahu ta'ala, wa dhakara al-ulama anna dhunub allati tughfar fi hadhayn al-yawmayn hiya as-sagha'ir. Et les savants, ils ont cité que les péchés qui sont pardonnés durant ces deux jours, ce sont les petits péchés. كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. Et donc, comme dans le recueil de l'imam Muslim selon Abi Huraira radiallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les cinq prières d'une à l'autre, d'un vendredi à un autre vendredi, d'un ramadan à un autre, sont des expiations des péchés qu'il y a commis, qui ont été commis entre ces actes d'adoration. Si tu délaisses les grands péchés. Si tu délaisses les grands péchés. Donc si tu délaisses les grands péchés, c'est une cause pour que tes petits péchés soient pardonnés. Il est donc important, lorsque tu vas faire ces bonnes actions qui vont être la cause pour que tes mauvaises actions soient pardonnées, il est important que tu n'aies pas de grands péchés. Et parmi les grands péchés, ce que tu vas faire avec ta langue lorsque tu vas parler de ton frère injustement ou autre. C'est grand péché que tu peux faire très facilement en une seconde. Et donc, il faut faire très attention à s'éloigner des grands péchés. Et dernièrement, et donc pour finir, les frères, il y a un point important que je voudrais citer. فهذه الأحاديث التي رأيناها فيها أنه لا يجوز الهجر فوق ثلاث. Dans ces hadiths qu'on a vus, il est cité qu'il n'est pas permis de boycotter nos frères plus de 3 jours. فينبغي أن يعلم أن هجر المبتدع وأهل المعاصي لا حد له. Il est important de savoir que le fait de boycotter l'innovateur et les adeptes des péchés, les grands péchés, alors cela n'est pas délimité. Cela n'est pas délimité par 3 jours. Innama yushra'u hatta yatruka al-'asi ma huwa 'alayhi. Cependant, cela est légiféré jusqu'à ce que ce pécheur ou cet innovateur délaisse ce sur quoi il est. Wa hajara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam Ka'ban 50 layla. Et certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a boycotté Ka'b. Et les compagnons aussi, ils ont boycotté Ka'b, ainsi que les deux qui étaient avec lui, ils les ont boycottés 50 nuits. 50 nuits, donc bien plus que 3 jours. Jusqu'à ce que Allah tabaraka wa ta'ala ait annoncé donc le repentir, le pardon donc de Ka'b et de ses deux compagnons. Et donc il est important de comprendre ce sujet, c'est un sujet aussi d'unanimité entre les savants de Ahl Sunna wal Jama'a, le boycott des innovateurs. Walakin hadha al-amr lahu dawabit. Cependant, ce sujet a des règles. Ce sujet a des règles. Combien de frères parfois j'ai vu qui ont boycotté des gens injustement comme ça, en pensant que c'est ça la sunna. Dès que ton frère il fait quelque chose, une erreur, ohjurho, boycotte-le. Il fait une erreur, on le boycotte. Pourquoi? Ah, il a fait ça. Et donc, il faut faire très attention. J'ai déjà entendu, on le boycotte. Pourquoi? Il joue au foot. Ah oui, les frères, franchement, je l'ai entendu. À Médine. C'est vraiment étonnant que c'est à Médine que j'ai entendu ce genre de choses. Et donc, il faut faire attention. Ça, c'est un sujet qui a des règles. Et bi'idnillahi ta'ala, on espère pouvoir aborder le sujet. Un jour, il y a Cheikh Abdullah al-Bukhari, il a écrit donc une risala sur le sujet, détaillée, très importante. Bi'idnillah, on espère pouvoir profiter ensemble. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde la réussite et qu'il nous permette à tous et à toutes de faire les causes pour obtenir son agrément, les causes pour augmenter l'amour entre nous. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khayran.